Bonjour, ici Charles-Antoine Bugeaud et aujourd'hui je vous lirai Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. Ceci est la partie 2 de mon podcast. Je tiens à préciser que cette lecture est pour moi également la première fois que je lis ces passages et ce roman. J'espère que mon initiative sera perçu authentique. Bonne écoute. Ses seules dépenses connues étaient le pain béni, la toilette de sa femme, celle de sa fille, et le paiement de leur chaise à l'église, la lumière, les gages de la grande Nanon, l'étamage de ses casseroles, l'acquittement des impositions, les réparations de ses bâtiments et les frais de ses exploitations. Il avait 600 arpents de bois récemment achetés qu'il faisait surveiller par le garde d'un voisin, auquel il promettait une indemnité. Depuis cette acquisition seulement, il mangeait du gibier. Les manières de cet homme étaient fort simples. Il parlait peu. Généralement, il exprimait ses idées par de petites phrases sentencieuses et dites d'une voix douce. Depuis la Révolution, époque à laquelle il attira les regards, le bonhomme bégayait d'une manière fatigante aussitôt qu'il avait à discourir longuement ou à soutenir une discussion. Ce bredouillement, l'incohérence de ses paroles, le flux de mots où il noyait sa pensée, son manque apparent de logique, attribué suffisamment expliqué par quelques événements de cette histoire. D'ailleurs, quatre phrases exactes habituellement à embrasser, à résoudre toutes les difficultés de la vie et du commerce. Je ne sais pas, je ne puis pas, je ne veux pas. Nous verrons cela. Il ne disait jamais ni oui ni non et n'écrivait point. Lui parlait-on? Il écoutait froidement. Se tenait le menton dans la main droite en appuyant son coude droit sur le revers de la main gauche et se formait en toute affaire des opinions desquelles il ne revenait point. Il méditait longuement les moindres marchés. Quand, après une savante conversation, son adversaire lui avait livré le secret de ses prétentions, en croyant le tenir, il lui répondait « Je ne puis rien conclure sans avoir consulté ma femme. » Sa femme, qu'il avait réduite à un ilotisme complet, était en affaires son paravent le plus commode. Il n'allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner. Il ne faisait jamais de bruit, et semblait économiser tout, même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un respect constant de la propriété. Néanmoins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa tenue circonspecte, le langage et les habitudes du tonnelier perçaient, surtout quand il était au logis, où il se contraignait moins que partout ailleurs. Au physique, Grandet était un homme de 5 pieds, trapu, carré, ayant des mollets de 12 pouces, de circonférence, des rotules noueuses et de larges épaules. Son visage était rond, tanné, marqué de petites véroles. Son menton était droit, ses lèvres n'offraient aucune sinuosité et ses dents étaient blanches. Ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice que le peuple accorde au basilic. Son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérances significatives. Ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs et or, disaient quelques jeunes gens qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie faite sur M. Grandet. Son nez gros par le bout supportait une loupe veinée, que le vulgaire disait, non sans raison, pleine de malice. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur, l'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice et sur le seul être qui lui fut réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière, attitude, manière, démarche, tout en lui. D'ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique de mœurs faciles et molles en apparence, M. Grandet avait-il un caractère de bronze. Toujours vêtu de la même manière qu'il le voyait aujourd'hui, le voyait tel qu'il était depuis 1791, ses forts souliers se nouaient avec des cordons de cuir. Il portait en tout temps des bras de laine drapés, une culotte courte de gros drap marron à boucles d'argent, un gilet de velours à raies alternativement jaune et puce, boutonné carrément, un large habit marron à grands pans, une cravate noire et un chapeau de cacaire. Ses gants, aussi solides que ceux des gendarmes, lui dureraient 20 mois. Et pour les conserver propres, il les posait sur le bord de son chapeau à la même place, par un geste méthodique. Saumur ne savait rien de plus sur ce personnage. Six habitants seulement avaient le droit de venir dans cette maison. Le plus considérable des trois premiers était le neveu, M. Cruchot. Depuis sa nomination de président au tribunal de la première instance de Saumur, ce jeune homme avait joint au nom de Cruchot celui de Bonfons et travaillait à faire prévaloir Bonfons sur Cruchot. Il signait déjà C de Bonfons. Le plaideur avait assez mal avisé pour l'appeler M. Cruchot, s'apercevait bientôt à l'audience de sa sottise. Le magistrat protégeait ceux qui le prénommaient Monsieur le Président, mais il favorisait de ses plus gracieux sourires les flatteurs qui lui disaient Monsieur de Bonfons. Monsieur le Président était âgé de 33 ans. Possédait le domaine de Bonfons, Bonifontis, valant 7000 livres de rente. Il attendait la succession de son oncle le notaire et celle de son oncle l'abbé Cruchot, dignitaire du chapitre de Saint-Martin de Tours, qui tous deux passaient pour être assez riches. Ces trois Cruchot, soutenus par bon nombre de coussins, alliés à 20 maisons de la ville, formaient un parti, comme jadis à Florence les Médicis, et comme les Médicis, les Cruchot avaient leur pandi. Madame des Grassins, mère d'un fils de 23 ans, venait très assidûment faire la partie de Madame Grandet, espérant marier son cher Adolphe avec Madame Eugénie. Monsieur des Grassins, le banquier, favorisait vigoureusement les manœuvres de sa femme par de constants services, secrètement rendus au vieil avare, et arrivait toujours à temps sur le champ de bataille. Ces trois des Grassins avaient également leur adhérent, leur cousin, leur allié fidèle. Du côté des Cruchot, l'abbé, le Talleyrand de la famille, bien appuyé par son frère le notaire, disputait vivement le terrain et à la financière et tentait de réserver le riche héritage à son neveu le président. Ce combat secret entre les Cruchot et les Desgrassins, dont le prix était la main d'Eugénie Grandet, occupait passionnément les diverses sociétés de Saumur. Madame Grandet épousera-t-elle Monsieur le Président ou Monsieur Adolphe Desgrassins? À ce problème, les uns répondaient que Monsieur Grandet ne donnerait sa fille ni à l'un ni à l'autre. L'ancien tonnelier, rongé d'ambition, cherchait, disait-il, pour gendre quelque père de France, à qui 300 000 livres de rente feraient accepter tous les tonneaux passés, présents et futurs des Grandets. D'autres répliquaient que monsieur et madame des Grassins étaient nobles, puissamment riches, qu'Adolphe était un pareil gentil cavalier, et qu'à moins d'avoir un neveu du pape dans sa manche, une alliance si convenable devait satisfaire des gens de Berrien, un homme que tout Saumur avait vu la Doloire en main, et qui d'ailleurs avait porté le bonnet rouge. Les plus sensés faisaient observer que Monsieur Cruchot de Bonfons avait ses entrées à toute heure au logis, tandis que son rival n'y était reçu que les dimanches. Ceux-ci soutenaient que Madame des Grassins, plus liée avec les femmes de la maison Grandet que les Cruchot, pouvait leur inculquer certaines idées qui la feraient tôt ou tard réussir. Ceux-là répliquaient que l'abbé Cruchot était l'homme le plus insinuant du monde et que femme contre moine, la partie se trouvait égale. « Ils sont manche à manche », disait un bel esprit de Saumur. Plus instruits, les anciens du pays prétendaient que les Grandets étaient trop avisés pour laisser sortir les biens de leur famille. Madame Eugénie Grandet de Saumur serait mariée au fils de M. Grandet de Paris, riche marchand de vin en gros. À cela, les Cruchotins et les Grassinistes répondaient « D'abord, les deux frères ne se sont pas vus deux fois depuis 30 ans. » Puis, Monsieur Grandet de Paris a de hautes prestations pour son fils. Il est maire d'un arrondissement, député, colonel de la garde nationale, juge au tribunal de commerce. Il renie Grandet de Saumur et prétend s'allier à quelques familles ducales par la grâce de Napoléon. Que ne disait-on pas d'une héritière dont on parlait à 20 lieues à la ronde et jusque dans les voitures publiques, d'Angers, à Blois, inclusivement? Au commencement de 1818, les Cruchotins remportèrent un avantage signalé sur les Grassinistes. La terre de Froidefond, remarquable par son parc, son admirable château, ses fermes, rivières, étangs, forêts, et valant 3 millions, fut mise en vente par le jeune marquis de Froidefond, obligé de réaliser ses capitaux. Madame Cruchot, le président Cruchot, l'abbé Cruchot, aidé par leurs adhérents, surent empêcher la vente par petits lots. Le notaire conclut avec le jeune homme un marché d'or en lui persuadant qu'il y aurait des poursuites sans nombre à diriger contre les adjudicataires avant de rentrer dans le prix des lots. Il valait mieux vendre à M. Grandet, homme solvable et capable d'ailleurs de payer la terre en argent comptant. Le beau marquisat de Froidefond fut alors convoyé vers l'œsophage de M. Grandet, qui, au grand étonnement de Saumur, le paya sous escompte, après les formalités. Cette affaire eut du retentissement à Nantes et à Orléans. M. Grandet alla voir son château par l'occasion d'une charrette qui y retournait. Après avoir jeté sur sa propriété le coup d'œil du maître, il revint à Saumur, certain d'avoir placé ses fonds à 5 et saisi de la magnifique pensée d'arrondir le marquisat de Froidefond en y réunissant tous ses biens. Puis, pour remplir de nouveau son trésor presque vide, il décida de couper à blanc ses bois, ses forêts et d'exploiter les peupliers de ses prairies. Il est maintenant facile de comprendre toute la valeur de ce mot. La maison à M. Grandet, cette maison pâle, froide, silencieuse, située en haut de la ville et abritée par les ruines des remparts, les deux piliers et la voûte formant la baie de la porte avaient été comme la maison, construit en tuffeau, pierre blanche particulière au littoral de la Loire, et si molle que sa durée moyenne est à peine de 200 ans. Les trous inégaux et nombreux que les intempéries du climat y avaient bizarrement pratiqués donnaient au cintre et aux jambages de la baie l'apparence des pierres vermiculées. De l'architecture française et quelques ressemblances avec le porche d'une geôle. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierre dure sculptée, représentant les 4 saisons, figure déjà rongée et toute noire. Ce bas-relief était surmonté d'une plinthe saillante, sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations dues au hasard, des pariétaires jaunes, des liserons, des convolvulus, du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. La porte en chêne massif, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par le système de ses boulons qui figuraient des dessins symétriques. Une grille carrée, petite, mais à barreaux serrés et rouges de rouille, occupait le milieu de la porte bâtarde et servait pour ainsi dire de motif à un marteau qui s'y rattachait par un anneau et frappait sur la tête grimaçante de maître clou. Ce marteau, de forme oblongue, et du genre de ceux que nos ancêtres nommaient Jacquemart, ressemblait à un gros point d'admiration. En l'examinant avec attention, un antiquaire y aurait retrouvé quelques indices de la figure essentiellement bouffonne qu'il représentait jadis et que long usage avait effacée. Par la petite grille destinée à reconnaître les amis au temps des guerres civiles, les curieux pouvaient apercevoir au fond d'une voûte obscure et verdâtre quelques marches dégradées par lesquelles on montait dans un jardin que bornaient pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. Ces murs étaient ceux du rempart sur lequel s'élevaient les jardins de quelques maisons voisines. Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont l'entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissaient l'importance d'une salle dans les petites villes de l'Anjou, de la Touraine et du Berry. La salle est à la fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à manger. Elle est le théâtre de la vie domestique. Le foyer commun. Là, le coiffeur du quartier venait couper deux fois l'an les cheveux de M. Grandet. Là entraient les fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon meunier. Cette pièce, dont les deux croisées donnaient sur la rue, était planchée. Des panneaux gris à moulure antique la boisaient de haut en bas. Son plafond se composait de poutres apparentes, également peintes en gris, dont les entre-deux étaient remplis de plans en bourre qui avaient jauni. Un vieux cartel de cuivre, incrusté d'arabesques en écailles, ornait le manteau de la cheminée en pierre blanche, mal sculptée, sur lequel était une glace verdâtre, dont les côtés coupés en biseau pour en montrer l'épaisseur, reflétaient un filet de lumière le long d'un trumeau gothique en acier damasquiné. Les deux girandoles de cuivre doré qui décoraient chacun des coins de la cheminée étaient à deux fins. En enlevant les roses qui leur servaient de bobèches et dont la maîtresse branche s'adaptait au piédestal de marbre bleuâtre agencé de vieux cuivre, ce piédestal formait un chandelier pour les petits jours. Vous me pardonnerez, je dois prendre un peu d'eau, j'ai la gorge aride. C'est ça qui a causé les petites erreurs ultérieures. En tout cas, j'espère que vous aimez ce livre qui représente bien la vie en Provence et l'avidité de l'homme. Ben, surtout l'avarice. Ou en bon québécois, quelqu'un qui est vraiment cheap. Les sièges de forme antique étaient garnis en tapisseries représentant les fables de La Fontaine, mais il fallait le savoir pour en reconnaître les sujets. Tant les couleurs passées et les figures criblées de reprises se voyaient difficilement, aux quatre angles de cette salle se trouvaient des encoignures, espèces de buffets terminés par de crasseuses étagères. Une vieille table à jouer en marqueterie dont le dessus faisait l'échiquier était placée dans le tableau qui séparait les deux fenêtres. Au-dessus de cette table, il y avait un baromètre ovale à bordure noire, enjolivé par des rubans de bois doré, où les mouches avaient si licencieusement folâtré que la dorure en était un problème. Sur la paroi opposée à la cheminée, deux portraits au pastel étaient censés représenter l'aïeul de Madame Grandet, le vieux monsieur de la Bertellière, en lieutenant des gardes françaises, et défunt Madame Gentillet en bergère. Aux deux fenêtres étaient drapés des rideaux en gros de tour, rouges, relevés par des cordons de soie à glands d'église. Cette luxueuse décoration, si peu en harmonie avec les habitudes de Grandet, avait été comprise dans l'achat de la maison ainsi que le trumeau, le cartel de meubles en tapisserie et les encoignures en bois de rose. Dans la croisée la plus rapprochée de la porte se trouvait une chaise de paille dont les pieds étaient montés sur des patins. Afin d'élever Madame Grandet à une hauteur qui lui permit de voir les passants, une travailleuse en bois de merisier d'étain remplissait l'embrasure. Et le petit fauteuil d'Eugénie Grandet était placé tout auprès. Depuis 15 ans, toutes les journées de la mère et de la fille s'étaient paisiblement écoulées à cette place, dans un travail constant à compter du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Le premier de ce dernier mois, elle pouvait prendre leur station d'hiver à la cheminée. Ce jour-là seulement, Grandet permettait qu'on allumât du feu dans la salle, et il le faisait éteindre au 31 mars, sans avoir égard ni au premier froid du printemps ni à ceux de l'automne. Une chaufferette entretenue avec la braise provenant du feu de la cuisine que la grande Nanon leur réservait en usant d'adresse, aidait Madame et Mademoiselle Grandet a passé les matinées ou les soirées les plus fraîches des mois d'avril et d'octobre. La mère et la fille entretenaient tout le linge de la maison et employaient si consciemment